toute sagacité, le créateur dit qu'il peut décaler. Tes questions sont pas venues causer, on est venu manger nous. On peut tout négocier, j'ai fini le projet, j'ai refait un projet, ouais. J'arrive la bague au doigt, mais le procureur veut le bracelet. J'arrive la bague au doigt, mais le procureur veut le bracelet. Et moi, je m'occupe de mon business pendant que madame va faire du fitness. Piou piou dans la boîte à gants SLS. AMG, comparagé, on est où là? C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. On savait quand est-ce allait finir. Comme si on savait qu'un Georges devait revenir. Suffit d'une galère pour connaître sa famille. Suffit d'un mandat pour trouver le sourire. Pompe, moula, ça dépend des semaines. Habitué des fouilles, c'est plus dans la semaine. Le colis est trouvé. Clin d'œil au SS, pépère, t'envoie le petit rêve, prends ton espèce. Le petit t'envoyait chez l'épicier. C'est lui qui va reprendre ton terrain. L'argent ne connaît pas la pitié. On verse pas de la main dans Gouma. Aïe aïe aïe. On t'a parlé, t'as douté. Et t'as fumé ma moula, t'as toussé. À tout moment, frère, ça peut péter. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. Ouais. C'était pas de la musulman, c'était pas de la blague. C'est du sérieux, c'est du Kosovo. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. Ouais. Comme si on savait qu'un Georges devait revenir. Suffit d'une galère pour connaître sa famille. Suffit d'un mandat pour trouver le sourire. Pompe, moula, ça dépend des semaines. Habitué des fouilles, c'est plus dans la semaine. Le colis est trouvé, clin d'œil au SS. Pépère, je t'envoie le petit rêve, prends ton espèce.